You got high off my devotion. We caught as your crutch, like some sick love potion. I was addicted to your touch. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 22 octobre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On t'en dirait les studios de C'est fou à Trois-Rivières. Oui, yes! On vient d'entendre juste avant l'intro une pièce de Miss Mister qui s'appelle Think of You. C'est un succès du palmarès anglophone en ce moment et ça a bien commencé l'émission. Oui, c'est oui. Relax. Bon, on prend le temps de s'installer. Il faut. C'est quand on faut pas dépêcher les choses dans la vie. La vie va à un certain rythme. Tu la suis. Les clés USB aussi, oui, à un certain rythme. C'est ça, les ordinateurs, les mises à jour de Windows, c'est tout dans la vie. Prend son temps et c'est comme un chien qui n'a pas été super bien élevé jusqu'à maintenant et qui sniffe sur le bord de la route tout le temps parce qu'il sent les pipis des autres chiens. Oui. Il tire après le bras. Ça tire. Ça gosse. On peut juste espérer qu'un jour, il va y avoir de la tire d'érable à la place de se faire tirer par de ce chien-là. C'est ça. Ouais. Donc, bienvenue à Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. Celle qui vous fait passer un bon moment pendant deux heures chaque jour, minimum, hein, trois heures même. Ça oui. dirait 3 heures. Ben moi, oui. j'irais 2 heures à l'aide, c'est bien en masse. Oui. ça va aller. À 7h30, c'est parfait. Aujourd'hui, l'émission, on a 3 chroniqueurs, même trois chroniqueurs. Même. Donc, on va avoir à 8h30 Anne-Julie Durocher. Oui. Et sa chronique, l'index. Ça, c'est des bruits d'index quand tu l'as pas, quand t'as pas mis ton jugelou dans ton index. Fait ensuite de ça, à 8h45, Mathieu Roy. Oui. Et sa chronique de l'AGE. Oui, mais qui nous parlera pas d'AGE, je pense, cette fois-ci, puisqu'on est en relâche. C'est tout à fait vrai. Il va nous parler de musique. Je pense qu'il est allé voir un spectacle récemment. C'est fait ça. Exactement. C'est ça. À 9h, Alexandra Carignan, notre classique de cette case horaire qui nous parle de temps, d'une culture, de culture et de temps. Voilà. Elle fait un décompte. Elle compte jusqu'à 1000. Elle culturera notre vie. C'est ça. Autour de ça, on va faire Kinky Sexy Time aussi. Donc, petite partie de plaisir aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'on devrait commencer, continuer en musique parce qu'on l'a déjà un petit peu commencé, je te dirais. Mm-hmm. Je te dirais. Je vais ici. Oui, mettons. Là. Wow. Là, oh, ici. Là. Ça me tente. Ah, on dirait qu'on joue aux devinettes et que je vois pas le CD. C'est ça. Donc, on va y aller avec une petite pièce de Jimmy Hunt. C'est sur son nouvel album, Maladie d'amour. Et puis, on s'en va entendre l'extrait Nos corps. Oui. Magnifique, ça. Oh, c'est beau. Ouais. Ben là, c'est beau. Nos corps, c'est beau. C'est huileux. Oui! Ouh. Plein de miel. Ah! Ça me rappelle hier. T'as mangé du miel? Non, nos blagues de gars qui se rasaient dans son champ. Ah, ça vient oui. juste de rejouer justement nous autres. C'est vrai. J'entendais ça. belle anecdote. Belle complicité avec le gars qui se rase. Oui. Il devrait venir animer avec nous autres. Bon, on l'invitera. OK. On va le trouver. 8 à 9. Si vous voyez un gars qui se rase dans son champ, dites-le. C'est sa job, là. C'est ça. Bonne émission. Ah, merci. Jimmy Hunt et nos corps. Puis, t'as aimé ça? Oui, c'était bon. Oui. Nos corps. Nos on corps. Aime ça, nos corps. Mmh. Chacun notre propre corps, évidemment. On pourrait mettre après ça les trois accords dans mon corps de fille. Ah oui! Puis là, je pourrais te faire deviner c'est quoi le lien entre toutes les chansons. Ce serait le mot corps ou la syllabe corps? Non, ce serait le miel. Parce que sur nos corps, il y a du miel. Mathieu, tu sais, il faut que je fasse des liens difficiles parce que tu me fais faire des liens difficiles. Hier, je t'ai fait deviner dans mon petit quiz écoutant la chanson un thème qui avait aucun rapport avec les chansons, apparemment. Non. On va peut-être en refaire une autre fois cette semaine parce qu'à date, on sait jamais trop ce qui s'en vient. C'est la semaine de relâche. YOLO. YOLO. YOLO. C'est normal, il faut bien être prêt un peu. Oui. C'est ça. Et je suis prêt à vous présenter plus tard dans l'émission La Chronique King Sexy Time. Mmh. Mmh. Entre autres, tu vas devoir deviner tantôt, là, prépare-toi, là, qu'est-ce que c'est que l'ophidicisme? OK. C'est comme je pourrais tout de suite commencer à prendre des paris. Oui, vas-y. Ça, c'est l'ophisme. L'ophisme. L'ophisme. L'ophidicisme. Le du sisme. Tu vois, l'office du sisme. Okay, l'office du sisme. L'office du sisme. OK. De, ou de tremblement de terre. Oui, de sisme. Oui, j'y pense. Ou la station de radio à Montréal, sisme. Oui. CISM. C'est, oui. Moyen. Ouais. Oui. Mais j'ai encore le temps d'y passer. Oui. Au moins, je sais pas, je dirais une bonne quinzaine de minutes. Oui. Et plus, tantôt, ce qu'on va faire, c'est, si t'es prêt, tu me diras, tu manges mon cœur, on va peut-être faire ça dans l'émission aujourd'hui. Oui, sans problème. On verra ça. Et puis plus tard, Mathieu Roy. Et puis plein d'autres affaires qu'on a déjà mentionnées il y a genre 15 minutes. Fait que je vais pas refaire le plan d'émission d'aujourd'hui parce que sinon ça donne l'impression qu'on n'a absolument rien à dire. Ouais. Donc on va retourner à la musique. OK. Parce que c'est ce qu'on fait quand on n'a rien à dire. on s'en va entendre. Je l'ai préparé tantôt. Je l'ai-tu préparé? Je l'ai pas préparé. Tombe bien, hein? Imaginary Cities. Ah oui. On l'écoute plus. On a arrêté de l'écouter. Mais pourquoi? Pourquoi? On oublie les choses qui passent beaucoup trop de temps dans le panneau. Ouais. Il faudrait qu'on ressorte aussi les pièces qui nous ont quittés dans la dernière semaine parce que c'était très bon. On a perdu des bonnes choses. On écoutera ça tantôt. Tout ça. Oh. On a le temps, hein? Ben ouais. Tu as du temps pour une chronique? Tu as le temps pour trois chroniques. OK. Sooner or Later. The Imaginary Cities. Oh, que oui. Mm. Ah, mais tu sais, dans l'imaginaire, on s'imagine bien des choses. Hein, c'est souvent sexuel. Là. Non. Non. Non. J'ai une blonde, puis je l'aime. Des fois, je pense à une poutine. Ah, oh, tout nu. Tout nu, oui. Voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique sœur de C'est un fait, donc la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, mais version un petit peu plus osée, et ça s'adresse à un public plus ou moins averti. Ça dépend. Ça dépend des fois. Par exemple, qu'est-ce que, et là je t'ai demandé précédemment, tu as eu le temps d'y penser, ophidicisme, qu'est-ce que c'est? Ben c'est ça, comme je disais, c'est l'office du cisme. C'est tout, ça veut pas rien dire. Puis en fait, c'est quelqu'un qui zozotait, fait que c'est l'office du sexe. Ah, OK. C'est lui qui répertorie tout ce qui a rapport à ça. Ça a du sens. Non, en fait, l'ophidicisme, c'est quand une femme s'insère des serpents dans le fouit-fouit. Ben, tu vois, j'étais pas si loin. Pour avoir du plaisir, alors que le serpent essaie de s'enfuir. C'était populaire en Rome antique. Ben, c'est quand même... Ça, c'est étrange, un peu. Ouais, c'est un peu peut-être même pas très bon pour la santé. Toi, t'es-tu plus couleuvre ou bas? Mon Dieu! Non, je suis plus genre plywood trois quarts. Plywood, ah oui, OK. Trois par... Quatre par... Ben sablé, par exemple. Ben sablé, c'est ça. Ben n'importe. Ouais, ça fait des échardes. Quand tu rougis, tu sais, quand t'es gêné et tu rougis, la doublure de ton estomac, ce qu'on appelle le stomach lining, va devenir rouge aussi en même temps. Mm. La doublure de l'estomac. À l'intérieur. Oui. Doublure là, de laine dans, ouais. dans ton estomac. C'est réconfortant. C'est tellement beau. Du cuir. Avoir un certain contact visuel pendant plus de 6 secondes sans arrêter de regarder ou sans cligner des yeux, donc tu regardes une personne intensément pendant 6 secondes, ça révèle, selon une étude, soit un désir pour des relations sexuelles avec la personne ou encore que tu veux la tuer. OK. Un meurtre. Un ou l'autre. Ou un suivi de l'autre. Oui. Peu importe dans le... Les deux cas, il y a quelque chose qui s'insère dans quelque chose. C'est soit le couteau dans le corps ou le... Et l'ordre dépend des personnes aussi. T'sais, ça peut être sexe et ensuite meurtre ou encore meurtre et ensuite sexe pour les nécrophiles. Ça, on sait jamais. Oui. Ouais. Columbo va enquêter là-dessus. Là. Ouais. Le mot douchebag. Oui. À l'origine, était pour décrire une personne, une femme, qui avait des relations jeunes. OK. La promiscuité, genre, ces trucs-là. On appelait ça une douche-bag. Mais tu sais, douche-bag, douche, comme une douche vaginale. Oui. Bag, ben c'est ça, c'est ce qui sert à faire la douche. Le petit sac. Le petit sac. 29% des femmes passent plus de temps à magasiner pour des souliers qu'à chercher quelqu'un avec qui passer le restant de leur vie. 29% des femmes magasinent plus longtemps leurs souliers que leur homme ou leur femme. Oui. Quelque chose. Un homme du Minnesota a été arrêté en 2011 après avoir changé un vibrateur en un explosif. Donc, il a arrangé ça pour que ça devienne un explosif et a donné ça comme cadeau de Noël à son ex-copine. Ah, tiens, t'auras du fun. Cadeau. On va te faire exploser. Tu me diras ce que t'en as. Ah tiens, ton anniversaire, c'est quand, toi, déjà? C'est en décembre. En décembre. Si on recule de 9 mois derrière, ça fait... Pâques. Pâques. On m'a dit que c'était Pâques. Pâques. La fête de ton père, c'est quand? C'est en décembre. Ah, maudit. Parce qu'on nous dit, si tu retournes 9 mois derrière de ta fête, souvent, ça va être la fête de ton père, qui était la seule relation sexuelle qu'il y a eu une fois par année. Ouais. Mais non, c'est à Pâques. C'est à Pâques. C'est à Pâques. Ben oui. Tiens, il y a une... tiens. Patty Mallette. Est-ce que tu connais Patty Mallette? Patty Mallette. D'après moi, ça doit être une danseuse populaire. Peut-être. Non, elle est tombée enceinte à l'âge de 17 ans. On lui a fortement recommandé l'avortement. Elle a refusé. Et elle a donné naissance plus tard à Justin Bieber. Ah. C'était ce bébé-là. On aurait dû y dire. Et, on aurait vraiment dû insister un tout petit peu plus. Ah, come on! Je n'allais pas amener ça dans ce sens-là, pantoute. Oh! Je vais être dans quel sens, d'abord? Je te laissais juste t'approprier ces propos-là. j'aimerais vraiment ça. Ça pouvait arriver que quand tu bois une gorgée de café, que je dise un fait qui te fait cracher ton café de l'autre côté du studio. Sur ma petite mousse. Prends une gorgée. Environ 50% des hommes se touchent une fois par jour. Mmh. Non. 75% une fois par semaine et 99% une fois par mois. OK. Mais c'est pas cumulatif? Hein? Une fois par mois, 80... Ah ouais, OK, je comprends. Ouais, non, c'est une question différente, demandée différemment. Ouais. Est-ce que tu connais le splashing? Non. Splashing? Splashing? Non. La splashing bubble. Oh! C'est le désir sexuel de faire tout avec de la nourriture sauf la manger. Dans le fond, c'est très sexuel. Tout faire sauf la manger. Et Splash est même un magazine britannique dédié à ce fétiche-là. C'est pour ça Slush, le savon. Oui, Slush, le savon. Mais c'est... Ah, le magazine, la boutique de savon qui pue, là? Oui. Tu peux pas passer devant... Comme ça, c'est quasiment Splush. Splush, c'est Splush. Splush. Comme ça, tu peux laver après ça, ton manger. C'est ça. C'est comme c'était qui le groupe de musique déguisé en blanc, le Splish Splash, ton frère dans le monde, ben, ils se mettaient des bananes dans le... La voraréphilie. Voraréphilie, qu'est-ce que c'est? Voraréphilie. Juste chanter une chanson, c'est... Ouais, en effet, ça, ouais. Ça aide. Non, c'était pour indiquer mon malaise. Okay. Voraréphilie, c'est le désir sexuel de vouloir manger un autre être humain. OK. Vorare. Mais là, c'est vraiment un désir sexuel de manger. De manger la personne, mais sa peau, là, tu sais. Ouais, ouais. Comme du cannibaliste. Et voilà. L'huile d'olive. Oui. A déjà été utilisée comme lubrifiant par les Romains en 350 BC. You know? L'huile d'olive. L'huile d'olive. Extra virgin olive oil. Exactement, oui. Était plus très, très vierge à la fin. Non. On t'a déviergé ça, cette bouteille d'huile-là. Elle était plus prise à froid. Ça c'est intéressant. Alors, reprends notre café. Encore? Oui, oui, oui, je sais que tu vas le finir trop de bonheur, mais OK, là, on est prêt. Le plus grand tentre-genre féminin appartenait à une femme de 7 pieds 8. Oh! Pas très bon acteur. Hein, non, je m'excuse. Pas grave. Donc, 7 j'ai pieds vraiment 8. Peur d'en mettre partout. Oui, je le sais, mais je te comprends. C'est ça. Ensuite, l'homme moyen va voir 5 femmes par jour avec qui il aimerait coucher. 5 femmes par jour en moyenne, donc comptez-les. Comme moi, je compte les gens qui viennent à notre bureau pour demander c'est où la GO, la chasse-galerie. Oui. Donc, je pourrais compter sûrement jusqu'à 5. Sûrement. Et là, je ferai un deuxième compte pour les femmes avec qui je veux coucher. Mm-hmm. Les testicules humaines, disons-le, soyons dans les vrais termes, peuvent augmenter de 50% lorsqu'un homme a du désir sexuel, donc quand t'es allumé. C'est un peu comme les petites éponges que tu mettais dans le bain puis ça grossissait. Oui. C'est pareil. C'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord. la loi dans le pays de Guam, G-U-A-M, c'est que ça a interdit que les vierges se marient. Donc les vierges ne peuvent pas se marier dans le pays Guam. OK. Intéressant. Le nombre moyen, en moyenne, qu'un homme va venir dans sa vie est de 7200 fois. 7200. J'aurais demandé de deviner. 7200. Ouais, j'aurais pas été proche de ce chiffre-là, je pense. C'est beaucoup? Ouais, c'est quand même pas pire. 7200. Une nounou britannique de 30 ans, ça c'est une gardienne d'enfants, comme Mary Poppins, est morte en se faisant plaisir en regardant de la pornographie. Son cœur n'a pas réussi à tenir le rythme de sa libido. Oh, voilà. Bon, 30 ans. 30 ans. C'est jeune. Splash. Oh, splash. Elle avait vraiment une libido dans le tapis, ben, par exemple. C'est ça. Selon une étude en Allemagne, environ seulement la moitié des femmes ont toujours un bon sex drive, donc une bonne libido, après 4 ans de relations sérieuses et stables. Donc, environ la moitié des femmes ont toujours une bonne... 50%. Ouais. Dans des cas très, très rares, les crampes menstruelles peuvent causer l'orgasme. OK. Je sais pas ça. Au 18e siècle, en Nouvelle-Angleterre, le bundling, tu sais ce qu'on appelle maintenant avec les chaînes de télé, le bundling, ça, c'est quand tu dois acheter une affaire pour en avoir plusieurs, tu sais, ou à l'épicerie, tu vas en acheter deux pour avoir un prix. Hein, mm-hmm. Bundling, c'était quand les couples qui n'étaient pas mariés pouvaient coucher ensemble dans le même lit, en tant qu'ils soient complètement habillés. OK. C'est ce qu'on appelle le bundling au 18e siècle en Nouvelle-Angleterre. Toujours en Nouvelle-Angleterre, pendant les années 1700, un couple qui n'était pas marié et qui se faisait prendre en train de faire des affaires, la fornication, pouvait se faire fouetter, avoir à payer une contravention ou les deux. Ah, OK. Se faire fouetter pendant que tu payes. Ça doit être ça. Oh, kinky. Wow. Et jusqu'au milieu des années 1600, on croyait que de petits êtres humains existaient dans l'éjaculation des hommes et qu'ils avaient besoin juste d'une place pour grandir, donc c'était le ventre. Oh, c'est si naïf. Des petits bonhommes, c'est comme quand tu regardes la télé. Des petits bonhommes. Allô? Allô? Allô? Voilà pour Kinky Sexy Time. J'arrive pas à avoir une voix très aiguë. Non? Et t'arrives pas à cracher ton café? Non. Peut-être que tu pourrais cracher ta voix, mais boire ton aigu. Non, c'est d'inverser les choses. C'est oui. Même pas drôle. Ça n'a pas de sens. Donc voilà pour King Sexy Time. C'est belle fun. Oui. On a appris quelques affaires. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est passer en pause. Puis après ça, on revient avec tout plein d'autres contenus pendant genre 45 minutes jusqu'à temps que la prochaine chronique arrive. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. 7h59, bon retour à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Mm-hmm. On va faire tantôt un petit bloc, il était deux fois. Oui. On va se trouver un petit artiste à mettre en vedette. Je vais peut-être trouver quelque chose. Quelqu'un qui aime ça faire fouetter et payer des contraventions. Qui n'aimerait pas ça? Et voilà. On n'y pense pas assez à ce genre de combo-là de plaisir. C'est, ouais, pourtant, il devrait y avoir des prix de bundling. Oui. Tout habillé dans le même lit. Oui. Plein de références à la chronique des Santos que personne n'a écouté. Ben oui, moi, j'ai écouté. Moi, je m'écoutais un petit peu. On écoute Jason Bahala, voici Armée de Montgolfière. Schwing Armée. Oui, juste ton verre d'eau, mais pas Hala. Le soleil sur le point d'éclat est une épanche suppliant qu'on le sort. T'es pas si pire. Ouais, t'es correct. Nous maquillons les morts sur l'hier. Moi aussi, t'en fais un meilleur tantôt. OK. Nos parachutes nous suivent derrière et traînent nos armes qui ne servent plus à rien. Gonflons nos têtes pleines de terre comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies, vues d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo. L'or porte conseil, malgré une mise en sommeil. Nous sommes prêts pour le conseil, qui guérira nos cancers. Franchissent l'horizon, qu'importe l'angle vers lequel nous penchons. Nous ne buvons pas ce qui étanche. Nous sommes coureurs de courte distance. Nous sommes coureurs de courte distance. Gonflons nos têtes pleines de terre comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo. Gonflons nos têtes pleines de terre comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut. Peu importe ce que raconte la météo. Leur amour te conseille malgré une mise en sommeil. Mettra pas ça on the spot de même, là, JP, come on. On se prépare une chronique que tu manges mon cœur pour les prochaines minutes. Puis ouais. JP, t'es comme, je sais pas de quoi je vais parler. Ah, tout à coup, ça. Illumination! Donc, on va faire ça tantôt, puis essayer un petit peu de te préparer. Sinon, moi, je vais vous préparer une chanson pour cette chronique Tu manges mon cœur, de okay. Coup de cœur. Ça vient tantôt, j'ai découvert ça, puis je suis très excité de l'avoir découvert. Oh! Découverte. Oui, si la chanson, oui. C'est ça. Si on veut. Mais pour l'instant, on va pas faire grand-chose finalement. On va encore une fois glander pendant 5 minutes avec une autre chanson. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est de même. Est-ce que tu as choisi donc quelque chose? T'as-tu envie? Les frères Goyette, gros buck. Voilà. On va entendre ça. Formation locale en plus. Donc, elle a tout pour elle. Oui. Ils ont tout pour eux, ces maudits poilus-là. ouais. Caroline. Donc, on va faire pour trouver la chanson là-dessus. On peut mettre un numéro à ça. Non, c'est la dernière. Ah, la 17. Là. Non, pas de facile le matin. Bon, on va se rendre. Ben loin d'un Hollywood, on m'a entendu chanter mal. Mais tiens, au minimum, toujours été low profile. Au moins, essaye. Mets de côté mes gammes. J'y vais d'instinct sans jamais oser vouloir plaire aux dames. Jamais seul dans basse cour, chante le jour pis dans la nuit. Ouais, mon coq, bombe le torse, prends du coffre. Puis chasse ma peur, lève mon col de blazer. Mets de la paillette, une belle grosse wave dans le toupette. un bungalow dans Graceland. Fan d'Elvis, Memphis qui débarque, Memphis des coulisses. Un bon ego, 10, 15, 20, 30 livres de trop. Rentre fit dans sous temps, ouais. Bouge comme le king en way, bouge, bouge. M'inspire ailleurs, à l'idée. Cash, j'en connais une coupe cash. Mon âme, ça me le doute. Mais le man dans le temps semble me tenir au courant. Marche mes classiques, fais la barbe aux jeunes dans le cirque. Concert chanceux à Londres, une bière en fût, ben loin de monde. Check, one, two. Monte mon minute, moi de prendre moins de kick. J'suis pas le king d'en place, ma carrière a l'air d'une vraie farce. Ça manque d'écoute, ça jase en masse, ça se crisse de tout. Pars en peur à mon meilleur. Brûle les planches, une et une, tour à tour. Les gigs sont brunes, mais l'espoir d'en avoir une bonne me reste dans la tête, je garde espoir, me garde du fun. Les frères Goyette et Gros Buck dans l'assemblage Rocky AR sur CIFU 89 FM. Et maintenant, ben tiens, we are ready to tell you what we love. Voici Tu manges mon cœur. Et c'est le moment de parler des choses qu'on aime. Et oui. En ce moment, Colin n'a pas bien ben d'envie. C'est bien de pouvoir les partager quand on en a. Ben. Ben oui, c'est important. Voilà. Et comme toujours, ben Jean-Philippe, si tu veux bien, tu peux commencer. Oui, ben écoute, je vais pas avec quelque chose qui est nouveau, je pense. Puis là, écoute, je ferai pas languir plus longtemps. Ben. Je veux te parler d'une application sur les inter... Web. Oui, non, mais c'est plus sur les interphones. Ah, OK. Les téléphones, entre guillemets, intelligents. C'est les Vine. Oh, Vine! Oui, et par puis, Twitter. Est-ce que c'est eux qui font... C'est eux qui sont derrière l'application, que je sache. Ben écoute, ça ferait fort probablement du sens. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est effectivement, ça ressemble beaucoup à Twitter, sauf que c'est en vidéo. Donc, ça dure 6 secondes. T'as 6 secondes pour poster une vidéo, et puis dans le fond, quand tu fais la vidéo, quand tu le crées, tu tiens ton bouton record, genre. Ouais, ben c'est plutôt dès que tu touches à ton écran, okay. Ça enregistre. Ah, ah, ah. Donc, tu peux faire vraiment des petites séquences, du saccadé, du continu. C'est assez... En tout cas, moi, je trippe là-dessus. C'est incroyable depuis que j'ai découvert ça. L'idée est super bonne. Il faut de la créativité parce que regarder les vannes des autres, souvent, ça peut être plate. Oui, mais par moment. Oui, il y en a des très plates. Il y en a des très plates que je fais aussi. Là, il y a pas de problème. Sauf que souvent, ça remémore des souvenirs. Fait que c'est très drôle. Et puis, de ce temps-ci, écoute, je dois bien en faire au moins 20 par jour. Là. Pour vrai, tu me niaises. Voyons donc. Je garde pas toutes. Là. Mais j'adore vraiment ça. Puis je trouve que c'est très drôle. D'ailleurs, écoute, j'aimerais ça t'en faire écouter un. Oui, j'aimerais ça les écouter. C'est un peu plate, puisque c'est un peu visuel. Mais regarde. Décris-nous l'action, je vais te monter un micro. En gros, je vais te mettre en contexte. Hier, j'ai fait un super athlète. Et puis, genre, quand on fait un super athlète, il y a plein de choses à manger. Puis là, je me suis dit, je vais montrer ce qu'il y a à manger dans mon vin. Sauf qu'on avait acheté des pour faire des lanières de viande. Oui. On avait acheté comme de la viande à fondue, mais un peu plus épaisse, comme un genre de steak très, très mince. Okay. Et puis, on l'a fait cuire directement sur la plaque au complet. Puis, on s'est dit, bon, on va le pimper, on va mettre du fromage, champignons dedans, pour faire un genre de wrap à la viande. De viande, ah, oui. Malade. Donc, écoute, ça donne quelque chose comme ça. Attends un peu. Voilà. Bœuf. Champignons. Zucchini. Donc, ben c'est ça. Et Colin, quand je laisse le micro allumé, ça fait comme... On dirait que je parle dans une canisse. Vortex! Mathieu, je te jure que c'est pas moi qui ai mangé le tube. Merci, merci. Mmh. C'est ça. Ben, c'est sûr que là, à radio, ça rend pas, puisque c'est visuel, hein, je viens de le dire. Et puis, ben voilà. Je pense que j'en dis assez. De ce temps-ci, Mathieu, je suis Mister Valère. Ben, en fait, pas de ce temps-ci, là, mais je suis... Tu es Mister Valère! C'est toi qui fais toute leur musique de ces temps-ci? Oui, de ce temps-ci, là, c'est ça que je fais cool. dans mes temps libres. Non, mais tu peux suivre des gens un peu comme Twitter. Oui. On est devenus amis, fait Vine aussi, toi et moi. Et puis, on a trouvé que c'était un peu compliqué, par exemple, rejoindre des gens. C'est difficile parce que tu as un nom d'utilisateur qui est JAPE, J-A-P-E. Oui. Et de toute façon, je vous le dis parce que vous ne pourrez pas le trouver pareil. Non, parce que ça marche pas. C'est ça que c'est un peu plate. Pour trouver des gens, je trouve ça un peu trop compliqué. Ça devrait être plus facile. Faut que tu envoies une invitation spécifique à une personne par son adresse courriel ou par son, j'imagine, numéro de téléphone, quelque chose comme ça. Ouais, par message texte. C'est trop compliqué. Donc, de ce temps-ci, c'est ça, comme je disais, avec Mister Valère, je les suis, puis ils me font vraiment rire, puisqu'ils sont en tournée en Europe, et puis ils font des vines assez rigolos de fin de soirée. Où ça a l'air d'être quand même le party. C'est vraiment excellent. Là. Ça me fait rire. On dirait que tu es avec eux. Puis des fois, tu comprends un peu qu'est-ce qu'ils vivent. Là. Tu vois qu'ils sont sur le party. Tu penses qu'il est genre 2h du matin, mais finalement, tu regardes, puis comme 11h l'après-midi. Oui, parce qu'il est 6h. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà. Ils sont juste sous en permanence. Ben voilà. C'est comme ça. Donc voilà. Et à découvrir, si vous ne connaissez pas, allez faire un petit tour. Tu peux aussi explorer. Tu sais, parce que oui, tu peux suivre des gens, mais il y a aussi des gens qui postent en public. Donc, qui font des effets spéciaux assez malades, des vines très, très drôles. Donc, il y a pas mal de choses à faire là, pour passer le temps. Tout à fait. Et Vine, j'ai vérifié sur Wikipédia, c'est bien une propriété de Twitter. J'imagine qu'ils ont racheté. Voilà. D'après moi. Quand ça dit propriété, ouais, ça existait avant. Ouais, c'est ça. Donc, Vine, c'est simple, c'est sur vine.co. Vine.co. Et sinon, sur l'iPhone et autres. Ouais, sur les... c'est ça. Les interphones. Ouais, sur les interphones. Cherchez Vine, c'est pas compliqué. Là. Sur les i-Android. Oh oui, non, il faudrait pas les insulter comme ça. Les autres sont faciles à offusquer, je pense, les amateurs d'Android, quand tu parles contre eux autres. Tam, voilà. Même chose pour les gens d'Android qui pinent contre iPhone. Les gens sont pas capables de s'entendre. Why can't we all just get along? Oh. Comme on disait... Can't we all just get along? Ken. Dans le sens de can. Comme une canne. Oui, oui. On parle d'une canne de soupe. On dirait qu'on est dans la salle de bain. On essaie-tu de monter les 5? OK. Ça va être beaucoup trop, là. Ben, Mathieu, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu veux qu'on fasse juste un petit bruit de loin, mettons? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Wow, un abat. Un abat. Et voilà. C'était une belle expérience à faire. Oui, quand même. 8h13. C'est noté. Donc, moi, de mon côté, Tu manges mon cœur, cette semaine, c'est une chanson. C'est rare, d'habitude, j'essaie d'être un petit peu plus comme at large dans les choses que j'ai aimées pendant la semaine. Mais ça m'a vraiment... ça m'a tombé dessus. Ça m'est tombé dessus comme une tonne de briques. C'est la formation Impactist, I-M-P-A-C-T-I-S-T. Et puis, il y a une émission que j'écoute depuis 2005, en fait, qui a des racines jusqu'en 99, qui était Attack of the Show. J'en ai déjà parlé dans une chronique, Tu manges mon cœur. C'est une émission très, très geek. Donc, de 2005 à 2013, ils ont fait 1941 épisodes avec Kevin Pereira, Sarah Lane et plusieurs autres. Et bref, ils avaient une chanson vers la fin de leur existence, parce que c'est terminé en décembre, janvier passé. Bref, il y avait plusieurs chansons thèmes et l'avant-dernière était vraiment ma préférée. Elle avait un petit son vraiment le fun que j'aimais. Je vais juste faire entendre la chanson en tant que telle qui dure comme 25 secondes, c'est vraiment pas long. Ça sonne comme ça. Très simple, très efficace. Quand même. L'image était très, très grunge. J'adorais vraiment le look de ça. Et je suis tombé sur la chanson complète récemment. Oh! Mais ça, c'était un remix qu'il avait fait juste pour la chaîne de G4. Donc, l'original était complètement différente. Et je suis tombé dessus. On l'écoute, puis on s'en reparle après. C'est LNG sur l'album Hello Neighbor de Impactist sur C'est Fou. C'est OTS, c'est complètement différent. Celle-là, c'est la version originale sauce savoureuse, oui, je dirais. Mais on se disait hors d'onde que c'était vraiment bon. Ben, en fait, je te disais ça puisque tu connaissais ça. Je suis d'accord, ouais. T'étais pas mal d'accord. Mais waouh, que c'est bon. c'est écœurant. Et comme Maxime dirait, c'est de la bonne musique pour étudier. Oui. Moi, je trouve que c'est de la très bonne musique de fond. Le groupe s'appelle Impactist. C'est la pièce LNG sur l'album Hello Neighbor qui est sorti en janvier 2010. Ils ont quelques autres albums. Si vous allez sur leur site impactist.com, ils font plusieurs chansons. Dans le fond, la raison que je l'ai fait jouer, comme j'ai dit tantôt, c'était la chanson thème remaniée de Track of the Show. Ils font d'autres affaires aussi pour, entre autres, MTV, Cartoon Network. Ils font de la musique de pub. Donc, ils font plein de choses comme ça. Mais en tant que musique, là, ça s'achète et ça s'écoute très, très bien. Wow! Génial. Impactist. Et voilà pour Tu manges mon cœur. Excellent. Ah, mon cœur est content. Oui, moi aussi. Je suis un peu rassasié. Tant mieux, tant mieux. On va continuer avant de passer à M. Mathieu Roy. Oui. Qui s'en vient avec sa chronique, mais pas de la GE cette fois-ci. Il va se gâter avec un autre sujet, je pense. Ouais. Mais pour l'instant, on va écouter Bravo Funkin et leur extrait. Est-ce qu'on écoute l'extrait du palmarès dans ce moment? Non. Non, on va même pas retourner en arrière pour l'ancien extrait du palmarès. On va écouter une de celles qu'on n'a pas entendues sur leur maxi. Tu t'es mise à crier, ça c'est le nom du maxi. On connaît la pièce Tu t'es mise à crier, on s'en connaît tout tant pis pour nous. T'as le choix entre Le premier domino et Triste comme ta robe. Ah, Premier domino. J'ai pas envie d'entendre quelque chose de triste. Bon, quand même, Premier domino. Ouais. Et en même temps, comment dire, tous dans la main, les noirs et les blancs. Hein? Comme les dominos. Oui, c'est comme les biscuits Oreo. Oreo. Oui, toutes les races ensemble. Où on pourrait commander de la pizza Domino. Oui. Positivisme. Woo! J'ai peut-être pris trop mon temps avant de commencer à bouger. J'ai peut-être un peu trop pensé. Je voulais pas me tromper dans le blanc. Domino de Bravo Funkin. Bravo Funkin. Félicitations. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que si on donnait, mettons, si on faisait un applaudissement avec tous les micros ouverts. Oh! Oh! Un, deux, trois, go! Non, j'aime pas le bruit. Non, moi non plus. Ouais. Ouais. On dirait des robots qui parlent. Donc, toujours à Assemblage Requis. On parle notre temps aujourd'hui. C'est le fun. On a du fun. On a du fun. Donc, il est 8h24. Oui. Ouais. Et on va pouvoir continuer avec un bloc qu'on aime beaucoup faire quand on a comblé des trous. Oui. Voici, il était deux fois. Si deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore, là, t'as deux choix. Pense-y deux fois, parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. C'était deux fois la chronique où on fait jouer des groupes qui, quand ils mangent, doivent ouvrir deux cannes de Paris-Porter pour se faire un sandwich. Oh! C'est ça, je pense? Oui, c'est exactement ça. Ou qui vont à la pêche et choisissent deux poissons, ils remettent les autres à l'eau, puis mangent les deux poissons. Oui, ou ils font du catamaran, fait qu'il y a deux... il y a deux coques. Two coques. Two cocks. Two cocks. two girls, one cock. ouais. Si vous ne comprenez pas, tant mieux pour vous. Hein, oui, tant mieux. Donc oui, c'est ça. Non, c'est le bloc où on fait jouer deux pièces d'un seul et même artiste et ou groupe. La barre oblique entre le et le ou est très importante. Oui. Et ici, dans ce cas-ci, le trait d'union entre le alt et le j est aussi très important. Oui, ouais. Exactement. Donc c'est eux qu'on s'en va entendre. Oui, un groupe que j'adore, en fait, que j'ai découvert en vinyle. Wow! C'est pas peu dire, hein? Non, c'est pas dire grand-chose, non? Non, c'est vrai. Mais oui, j'ai appris à l'apprécier vraiment en l'écoutant maintes et maintes fois. Mm-hmm. Et le J là-dedans, pour toi, te fait penser évidemment à mon nom. À ton nom, Jonathan? Oui, exactement. Jean-Philippe. Un jour, tu vas l'avoir, Mathieu. Un jour. Et Colin, c'est difficile de s'habituer. Donc, on s'en va entendre deux pièces de ça, de Alt J. Tout à l'heure, il y aura Tessellate. Mais on va débuter avec leur classique. Je pense que c'est la pièce la plus connue. Ouais, je pense que oui. Des gens. Évidemment, connue relativement parce que c'est pas un groupe, c'est pas mainstream du tout. Et on aime ça comme ça parce que ça veut dire qu'on peut y jouer. Donc, voici Alt J et Breeze Blocks. He may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and Breeze Blocks. Cedrazine, your fever's greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Break down how we build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle, to toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. Sleep, my love, my love, love, love. She bruises cold, she's blood as pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely. Please break my heart. chunks out of me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. I know your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love is very late till morning comes. Let's desolate. Keep my all-lovely wild breeze stones along my love. And keep along my heart. Three guns and one goes off. One's empty, one's not quick enough. One burn, one red, one brick. Sets of grains while the cat spins. Chunks of you will sit down to seals. Blubber rich in morning. I mosh you up, yes, I know it's a love away. But it's fair to say, you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. Three points for two lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love, it's very late till morning comes. Let's desolate. C'était Slate de Alta J. Oui, petit bloc, il était deux fois. Oui, petit bloc que ben, j'adore Alta J. Pour de vrai, je pense qu'on pourra en parler peut-être à une de nos fidèles chroniqueurs, Maxime Tanguay. Une de nos fidèles chroniqueurs, Maxime Tanguay. Une de nos. Ouais. Il aimera pas ça, entendre ça. Non, je voulais dire un. Ouais, il est tellement masculin. Oui, mais c'est sa sortie de seul. Une de nos personnes. Donc, on pourrait mettre... Ouais. Les chroniques. OK. Fouh. Donc, on pourrait mettre ça dans une chronique. J'ai tout le temps pour une chronique. Ben, moi, je pense que oui. Mais tu vois, je voudrais savoir ce qu'il en pense. Je sais pas s'il connaît ça. On a une drôle de semaine par rapport à ça, parce que Maxime a fait sa chronique de musique pour étudier, donc de musique de fond, hier, qui a rejoué ce matin. Oui, à genre 6h30, 7h. Après ça, j'ai joué Impactist, que je trouvais qui était idéal pour travailler, en fait. Ouais. Travailler ou étudier. Et même chose pour Alt J. Oui. Donc, à un moment donné, c'est la semaine de la musique Molo. Là. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir sortir la musique Manolo, là, oui, dans Ramadan. Manolo. Là, les bannis. On va pouvoir couper les chansons puis parler à la caméra. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah. Donc, voilà pour les deux fois où on passe deux pièces d'un seul et même artiste et slash ou groupe. Oui. Mm-hmm. Après la pause, Mathieu Roy et sa chronique musicale spéciale. Oui. De la GE. Oh, ouais, ben hâte de voir ça, de présenter par la GE. Fièrement présenté. C'est comme du fromage frais, là. C'est du froum frais. Du froum frais. Qu'on a pris, hein. Oui. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. Hey, parlant de jargon, moi, je montais mon fond pour m'en aller en pub, là. Oui. Mais si je redescends un peu, je bêche la trame. qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, en fin de semaine, au magasin, j'ai entendu une mère qui appelait son enfant, puis elle dit: Hey, d'Aragon, blablabla. D'Aragon? D'Aragon. Comme Amos d'Aragon. Comme prénom? D'Aragon. Tant qu'à ça, appelle le dragon. Ben oui, c'est ça. D'Aragon. C'est quoi, il crache du feu? Attends, je sais qu'est-ce que ça fait un... Oh non. Ouais. Attends, oh non. Je l'ai tassé parce que je t'ai plus rendu là. Je sais qu'est-ce que ça fait un... D'Aragon. Ça fait... Ah, c'est trop long pour que ce soit drôle, par exemple. Mais Colin... Non, pas ça! Je crois que je suis maladroit, matin. Oh. Ah, c'était ça, pourtant, c'était ça. C'était ça. La fin, c'est un peu raté. Hein? Ouais. Hey, d'Aragon! Yeah. 89.9. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage Requis. C'est votre émission matinale et elle est en pièces détachées. Oui. Et lui, c'est Mathieu Plante. Puis il est accompagné de certains Jean-Jonathan. T'es proche, tu chauffes? Jumanji. Non. Jumanji. Non. Jean-Philippe. Oui, c'est ça. Jean-Philippe Jarbalo. Oui. Oui. Ah, oui. Ouais. Donc, c'est ça. Ben, il est 8h38. Oui, monsieur. Fait que ça veut dire qu'il nous reste encore une heure à l'émission. Mm-hmm. Oui. Et on a Mathieu Roy qui s'en vient tantôt avec une chronique musicale. Alors, on l'a déjà dit, on a moins rappelé le fait qu'Alexandra Carignan s'en venait. Aussi à 9h. Et ça, c'est toujours très, très plaisant. Puis, quelques autres petites affaires autour de ça, sûrement. Mais pour l'instant, de la musique. Ah ouais, de la musique. On s'en va entendre à Midi Cayenne Club et un extrait du palmarès francophone sur leur album Nana Boubou. Nana Boubou. Nana Boubou. Qui, des fois, ce que certains gens ont envie de faire certains matins au travail, des fois, ça se peut que ça aille mal, mais on est là pour vous mettre de bonne humeur. Voilà. Nana Boubou. Nana Boubou. Il n'y en a pas des boubous. Voici l'art pour l'art. Oh, c'était beau ça, Mathieu. Merci. Faut que je me dise ça. Il n'y en a pas des boubous. Non. Nana Boubou. Voilà. C'est une guitare, je sais pas si je crois à l'art pour l'art. Parce que j'ai honte de notre monde. Parce que je voudrais le guérir avant d'en mourir. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas où commencer. Pour faire renaître les rires, pour couper les barbelés. Les faire sortir de l'enfer, ces fillettes prises à mendier. Je suis-tu aux prises avec ma carrière, je suis-tu un idiot en dimanche? Excuse, parce qu'on revient. Quand on revient, faut. Des fois, ça peut être brusque un petit peu. Oui. Ça peut être un petit peu brusque. L'art pour l'art. Oui. De Mimi Van der Loo sur le. Pas Mimi Van der Loo, voyons. Non, Magic Cayenne Club. Ah ben, c'est mêlant, hein. Oui, Mimi Van der Loo. Donc, toujours assemblage requis. Et puis, oui, je voulais te montrer quelque chose. Okay. Mais je voulais pas le mettre dans Tu manges mon cœur parce que c'est pas si bon que ça comme application. Ah, OK. C'est. Ben, c'est pour ça que j'en parle, hein. C'est toujours intéressant de parler d'affaires qui sont pas très bonnes. Très bonnes. C'est Scene. Est-ce que t'as vu? Scene, S-E-E-N-E. Non. C'est une application de vidéo qui est supposée te faire prendre des photos vidéo en genre de 3D. Je sais pas si t'es capable de voir oui, que okay, ça bouge. Okay, oui, oui, oui. Donc, quand tu bouges ton téléphone, l'assiette avec un petit gâteau est supposée bouger. Oui. Un peu comme les effets parallaxes de iOS 7 où ton fond d'écran bouge avec ton téléphone. C'est un faux 3D. C'est un genre de faux 3D. Il faut que tu prennes avec la petite caméra une scène, évidemment. Donc, tu appuies, faut que tu trouves un objet qui a beaucoup de petits points verts, OK? Donc, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de points de repère, beaucoup d'angles. Donc, par exemple, le rack à CD et toi, vous avez quand même pas mal de points verts. Oui. Donc, si j'appuie sur le bouton pour enregistrer, après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est monter okay. un petit peu jusqu'à temps que les cases... là, ça me dit qu'il faut pas que j'aille de côté. Attends un peu. Faut que je sois stable oui. et que j'aille un petit peu à droite. OK. C'est difficile. Où est-ce que je peux bouger? le moins possible. Hein? Je pense que tu peux. Colin, que j'ai dormi de la misère un matin. T'es supposé bouger ton téléphone au complet. OK. Jusqu'à temps que chacune des cases soit remplie. Un peu comme quand tu fais une photo panoramique dans l'appareil photo de... du iPhone. C'est exact. Et là, je Mathieu est très concentré. Tu louches même un peu. Ok, je l'ai eu. Oui. Ouais, c'était vraiment compliqué. Mais une fois que c'est fait, ça, tiens, prends-le, regarde si ça marche. Moi, je trouve pas ça fameux. Je l'ai essayé hier et ça déformait. Ça faisait une genre de gélatine autour des affaires. C'est moyen. Ouais, ok, moi, je comprends. Ben, bon, moi, moyen. Ça, ce sera pas le prochain Vine, mettons. T'sais. Non, c'est ça, mais écoute, c'est un début. L'idée est cool. Un jour, peut-être qu'ils vont améliorer la technologie derrière ça. Mais donc, t'es supposé pouvoir voir en simili-3D. En simili-3D. Ça s'appelle Scene, S-E-E-N-E. Scene. À ne pas confondre avec le jeu Scene. Scene It. Scene It, oui, où tu dois faire des devinettes de films et de télé, je pense. Exactement. T'as-tu déjà joué à ces affaires-là, tous les jeux de karaoké et tout ça, de jeux vidéo, même? Ben, karaoké, non, mais Scene It, oui. Puis, jouer avec un ami qui est vraiment trop surdoué dans les films. Mais il y a des affaires difficiles des fois. Parce qu'on avait vu un extrait d'un film français. Puis là, t'es comme, oh, qu'est-ce qu'il va poser comme. Parce que ça te montre des extraits. Ça te montre des extraits de films. On l'avait sur DVD, je pense, ce jeu-là. Wow, rétro, hein? Ouais, quand même. Des jeux sur DVD. Des jeux sur DVD. Et puis, donc, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas, dans le fond, Scene It, c'est un jeu, tu mets le DVD. Il y a des questions par rapport à des films. Puis ça peut être des questions vraiment aussi précises que bon, quel était le nom de l'acteur, quel le prix il a gagné ou en quelle année il a gagné un prix dans ce film-là. Okay. Mais des fois, tu as des détails vraiment. Il fallait juste que tu sois attentif à la scène qu'ils t'ont montré, genre combien y avait-il de vélos dans la scène que tu viens de voir. C'est tout. C'est plus un hasard si t'es à donner à leur marque. Oui, mais là, c'est parce que là, tu deviens concentré en maudit. Là, tu regardes les acteurs, tu essaies de deviner hein, c'est quoi, c'est qui les déjà. Quelques moustaches. Oui, ouais. C'est ça. Puis là, tu essaies de calculer plein d'affaires, combien il y a d'arbres, combien il y a de feuilles dans l'arbre. Mais ceux qui auraient plus de fun dans les jeux comme ça de salon, jeux vidéo, ceux qui auraient le fun, c'est ceux avec les buzzers. Là. Oui. Les quiz. Moi, à la télé, je suis un très grand fan de quiz. Okay. Je regarde GSN, la chaîne de jeux télévisés, tout le temps. Il y a une version canadienne, Game TV. J'écoute tout le temps ces affaires-là, des jeux des années 70. Souvent, ils font des marathons de guerre des clans. OK. En anglais. Mais quand même, en anglais, c'est bon. Oui. T'as pas genre le licheux de Jean-François Chupiqui. Tu sais, c'est bon en anglais. Oui. Bon. Steve Harvey. Go. Ouais. Donc voilà pour cette intervention. Tantôt, il y aura Mathieu Roy. Oui. Et sa chronique musicale. Mais pour l'instant, tantôt, on a parlé de Music Ion Club qui était facile à confondre avec Mimi Vanderlo. Pourquoi ne pas aller écouter un petit peu de Mimi Vanderlo? T'es un gars de même. Comme un vrai accident de char que tu peux pas t'empêcher d'arrêter pour regarder ça. Accident de char, c'est le nom de la pièce. Tel qu'on s'est rencontré, on s'est embrassé. Avoir que nos deux mains se touchent. Et qu'elle ne fasse plus qu'une seule et même entité forte soudée par le choc. C'est là qu'on explose. Un peu plus et puis c'est drôle. Les neiges, la vitre, la carrosserie, des glingues, la vis, ça sent la gasoline. Comme si GM avait créé une ligne de parfum bon marché, destinée à ce qu'on s'aime. comme si nos corps n'étaient qu'un soir. Mimi Van Der Loo. Quelle bonne formation. Accident de char. Oui. Oui, mais hein, c'est bon. Mais hein. Pas quelle bonne déformation à cause que tu as eu un accident de char. Puis... Ah, carrosserie. Carrosserie, auto. Ouais. Blague de garage. Oui. Tu me perds un peu avec tes gasquettes puis tes bushings. Oui, le galloper. Ouais, c'était quoi finalement ton bushing que t'as fait réparer sur ta voiture en fait cette semaine? Ah, tu veux que je te compte tout ce que... Ouais, ben ouais. En fait, ça fait deux semaines. On n'a rien de mieux à faire. Ben oui. J'ai fait changer ma clutch. Ok, cool. Oui, pour de vrai. Je pensais pas que ça allait être plate de même, quand même. Oui, mais c'est quand même... ça a pris 9 heures. Changer la clutch, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Donc, égale beaucoup d'argent. Mais il fallait que je la change. Elle allait céder. Est-ce que t'as pu rester sur place, manger des petites chips ou t'es allé à... Non, je l'ai laissé là pendant 2 semaines. Pauvre petite chouette, oui. Tout seul, sans son maître. Oui, je suis content, je l'ai retrouvé, ça va bien. Oui. Oui, elle te reconnaît toujours. Oui, elle me reconnaît tout le temps. Quand je la barre, elle me fait encore bip, bip. Comme si elle était vraiment contente. Oh. Comme, bonne journée. Amuse-toi. Oui, c'est ça. Courage. Oui, fais bien ça. On se revoit ce soir. Hey, sont-ils fins? Une chance existe, hein? Ben oui, c'est le genre des autos. on continue avec une pièce de Set the Whale, nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici Mother sur C'est Fou. Vous êtes à Assemblage Requis au 89. Try to always be a gentleman. I try to always be a better friend. Lately I've been feeling half a man. Like maybe I should be more who I am. Maybe I should fuck something up good. Or maybe I should act like someone mad. Try to live my life like David does, but something always feels just slightly off. I'm young and maybe that's why they see me. They seem like opportunities to test my reach. But ups and ugly habits that are bad for me, and treats of others not so equally. If I thought I knew me well, it's clear as can be that things are gonna change like 100 degrees. If I thought I knew me well, it's plain to see that things are gonna change like 100 degrees. Set the wheel, mother. mother. Oh, maman, c'est bon. C'est fini. Non, ben oui, elle finit, en effet. C'est plate, ça doit finir, ces chansons-là, Oui. Tantôt. Ça. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Faut que je te regarde quand tu parles. Oui. Faut pas loucher. Non. tantôt, Alexandra Carignan s'en vient avec le temps d'une culture. Oui. Pour l'instant, ben Colin, c'est plate. À date, on n'a rien à faire. Oh. J'ai du contenu, mais j'ose pas le commencer. Ça va finir trop tard. Ouais. Fait qu'on est un petit peu pogné comme ça. Bon. Il reste comme 5 minutes avant qu'elle arrive. On est pogné. C'est pas grave parce que pendant ce temps-là, on écoute de la bonne musique. Mais quand même. À un moment donné, ça sert à quoi sinon de la radio à part écouter de la musique, hein? Et à entendre parler de choses importante de la vie, oui. Comme la culture, tantôt. Bon. Mais pour l'instant, donc on s'en va entendre. Tiens, on va écouter du Random Recipe. Est-ce que t'aimes Random Recipe? C'est un genre très précis, très particulier, ça. Oui, j'aime bien. Je suis pas sûr d'être convaincu encore. Pas encore. Cette chanson-là m'intéresse plus que leurs précédents albums de Random Recipe. Je trouvais que ça avait comme... Je sais même pas comment le qualifier avant, mais je trouvais que ça avait pas de sens. Comment ça... Là, au moins, il y a comme une musique que j'aime en arrière, même si j'aime pas la façon que la fille chante. OK. Ben, c'est particulier. Ben, je te conseillerais peut-être d'aller les voir en spectacle. OK. Moi, je les ai vus, c'était au Festivois. Cet été, été 2013, et puis c'était vraiment bon. 2013! Non, c'était très bon, c'est vraiment deux filles assez énergétiques qui se gambadent. Ouais. Moi, ce que j'ai contre Random Recipe, c'est un commentaire complètement subjectif, là, c'est une question de goût. Là. On dirait, et je connais rien en musique, donc vous allez me corriger en me disant que j'ai complètement tort, j'ai l'impression que la fille masque le fait qu'elle ne sait pas chanter en chantant comme elle chante. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Ben, c'est sûrement pas le cas. Non, c'est pas le cas. Ouais, pas le cas. Holy! Non, je pense pas que ça soit le cas. Je pense que c'est vraiment un style qu'ils ont voulu se donner, qui se donne, puis qui se prête bien. Je pense qu'il y avait pas de. Il n'y en a pas d'autres qui font ça vraiment. Là, donc, non, j'aime bien. Cool, ben écoutons-les. Ben oui. Joy, de Random Recipe. Joy, it's simply delayed. It will come one day. It's late. It's taking its time. Maybe it's lost its way. It hurts to fake me a smile and sing to you this way. Close my eyes and hope for a dream once, 'cause I never cry. Brushing's obsession with choking the lights, finding umbrellas to rain on laughs. It's pouring like whiskey on them on and out, but no reason to grasp and reason it out. Lost again, flooding dead ends. Too many friends, one or two in the end. Empty bed filled with emptiness, making love to the walls. Forsaken hearts, running, screaming, feet are stuck. Mouth is open, there's no sound at all. Nightmares repeating, try to wake up. Shaking your head till the boots stops. I said that all is fine, but you're my hearse, and you smart to invert lights. I'm a beater and password to hit behind. So you find birth, take your words are tight. I'll make you drip like a king with no crown. I said that all is fine, but you're my hearse, and you smart to invert lights. I'm a beater and password to hit behind. So you find birth, take your words are tight. I'll make you drip like a king with no joy. Simply delayed, it will come one day. It's late. It's taking its time, maybe it's lost its way. It hurts to find me a smile and sing to you this way. I close my eyes and hope for a dream once. What? retour, la chronique d'art et spectacle d'Alexandre Carignan. Tu joues du piano? Oui, je te l'avais jamais dit. Non, je savais pas ça. Du air piano. Mais pourtant, t'as pas de main. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89-1-1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, c'était les deux animateurs de radio préférés, Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau. Oui, monsieur. Il est 9h01, toujours assemblage requis. Du lundi au jeudi. Entre 6h30 et 9h30. En direct à partir de 7h30. Oui. On est transparent comme ça. Oui. Ouais. Alors, on passe un bon moment ensemble, comme toujours. Demain, on va en passer un autre bon moment aussi. Puis jeudi aussi. Puis jeudi aussi. Puis lundi suivant. Et jour pour jour, à tour pour tour. Pierre deux coups. Pour tour, comme l'expression populaire le dit. Pour tour, pour tour. Oui. On écoute Panache avec la pièce Esperluette pour changer. Oh! C'est Panache et la pièce Esperluette à Assemblage requis. Ça, c'est fou. T'es tellement ouais. Esperluette. Ben, toi aussi, j'espère. Ben oui. Luette. C'est une luette, c'est ce que t'as dans le fond de la gorge. Hein? Oui. Je peux-tu regarder? La glace. Je peux-tu faire un vin avec ça? Oui. Ouais. Aujourd'hui, l'émission, ça va bien, hein? Ça va bien. Les gens se suivent. C'est plus musical que d'habitude. C'est ça, les gens se suivent et ne sont pas présents. Oui. Ouais. C'est le fun. Il nous reste encore la chronique d'Alexandre Carignan qui s'en vient. Oui, incessamment, ça c'est certain. En tout cas, devrait arriver. Mais pour l'instant, devine qu'est-ce qu'on va faire, Jean-Philippe. On va écouter une chanson qui te plairait. Oui, c'est ça. Parce qu'on fait que ça aujourd'hui, écouter des chansons qui nous plaisent. J'ai envie d'aller entendre du Caveman et leur pièce In the City. On l'a pas mis depuis la semaine passée, donc ça va faire du changement un petit peu, hein? Que voulez-vous? C'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a à dire? Une petite histoire, une petite blague? Comme ça, brûle pour point, moi? Non. Ouais, amène-nous du contenu, une bonne blague. Une anecdote qui t'est arrivée. Une anecdote qui m'est arrivée. Hier, j'ai mangé de la raclette. OK. Oui, tu l'as déjà fait. Je l'ai pas dit. La raclette? Ouais. Ah oui, j'ai parlé de mon steak qu'on a fini en wrap. C'était du steak qui était tellement mince, mais c'était pas du steak, mais c'était pas trop épais pour okay. être de la viande à fondue. Mais je peux te compter que dans ce cas-là, quand on est allé à l'épicerie, on a réussi à rentrer une de mes amies dans le truc pour bébé. Là. Dans les paniers, les dans petites les voitures, les petites voitures à bébé qui vont en avant les carrosses? Non. Tu sais, quand tu pousses le panier oui. devant toi, là. C'était-tu Marie-Laurence? Peut-être. Ben, c'est ça, parce que je me parce suis dit qu'elle était tellement maître. Et puis. La peau saison. Oui, donc elle a réussi à rentrer, et puis, tu sais, rentrer, ça va. En sortir, par elle a réussi à sortir facilement, ouais. sans aide. 3 minutes pour l'improvisation. Puis, on s'est fait avertir aussi par le monsieur des fruits et légumes. De pas faire ça. Il a dit, ben, c'est parce que c'est pour les enfants. C'est fait pour le poids des enfants. Et Marie-Laurence a rétorqué qu'elle avait le même poids qu'un enfant. Enfant, littéralement. Oui. Sûrement, genre, on estime 90. Oui, mais on l'a pris en photo, je pense que c'est... Est-ce qu'on l'a pris en photo? J'essaierai de te montrer ça. Peut-être qu'on mettra ça aussi sur les assemblages requis. Ça me surprend que t'aies pas fait un vin avec. Ben, ça se peut que j'en ai fait un. Oui, hein, aussi. Je me rappelle pas. Quand t'en fais 20 par jour, c'est normal oui. de pas te rappeler de chacun de tes vins. Ben, c'est que c'était pas mon téléphone. Fait que je pense que c'est plutôt un vidéo qui a été pris, mais pas en tant que vin, mais il y a une vidéo qui. Mais dans vin, est-ce que tu peux prendre une vidéo qui existe déjà et faire un vin avec? Je pense pas, hein. Pas sûr. Non, je pense pas. Non. Non, faut vraiment que tu partes de l'application. Mettons, contrairement à Instagram, mettons, là, que tu peux reprendre des photos que tu as déjà prises. Mais justement, est-ce que tu es sur Instagram? C'est, tout le monde est sur Instagram, plus que sur Vine. En ce moment, c'est la grosse affaire. Oui, je suis sur Instagram. Tu participes pas, mais t'es dessus. Ah, oh, ben des fois, j'en mets. Ben, des fois, je peux faire prendre mon cellulaire aussi, puis les gens mettent des affaires. Je sais pas. On dirait que les. On dirait que les Instagram, les Twitter, puis les Vine, on dirait que c'est surtout les personnalités télé et radio qui s'en servent. On dirait, je sais pas pourquoi, mais on dirait que le grand public s'en sert pas. Mais vu que les gens qui travaillent dans les stations de télé et de radio s'en servent, ils pensent que c'est encore plus populaire que c'est. Oui. Que, ils se mettent à mettre des mots-clics sur de Twitter sur Atlas. Hashtag c'est fou. Hashtag c'est fou. Hashtag la nuit nous appartient. Oui. Hashtag panier d'épicerie. Je pense que ça fait hashtag raclette cette nuit. Sûrement, je pense que oui. Sûrement. T'abuses un petit peu de. Mais c'est ça, c'est pas moi qui hashtag. Je me fais prendre mon cellulaire. Moi, j'hashtag pas pour de vrai. C'est mon cellulaire, il traîne tout le temps, puis les gens prennent mon cellulaire. Ouais, ma vie est une calomnie. Oui, ben, on devrait revenir à l'époque, tu sais, des cavernes. Bon, voici qui est mort. Je pensais que t'allais dire à l'époque des pagettes. On pouvait-tu tweeter sur des pagettes? Non. On pouvait-tu viner sur des. Non. On pouvait jean-pager sur des jean-pagettes. This was me. J'espère que vous avez tous, que vous êtes tous rappelés de mettre vos poubelles, si c'est le jour des poubelles pour vous. Puis dégeler votre poulet, si jamais vous avez du poulet à manger bientôt. C'est ça? Non, il y en a une qui a oublié son poulet, je pense. Ah, il y a quelqu'un qui a oublié ses poubelles, je pense. Oh, no! On vient d'entendre Caveman et In the City, assemblage requis. Et maintenant, on passe à la chronique Le temps d'une culture. Sandra Carignan. Allô? Ça va bien? Ben oui, sauf que j'ai oublié de déchirer mon poulet. Je pensais que c'était qui. Toi, ça va-tu bien, JP? Ça va, j'ai oublié de mettre mes poubelles. Moi, je me suis dit, je vais mettre mes poubelles et le recyclage parce que j'étais pas sûr. Et puis, il n'y a pas le recyclage. Fait que vous, on dit qu'on a une vie trépidante. Mais, hein? Ben, je vous dis, là. Toi, ça passe à tous les jours. À tous les jours. Tous les jours. Je voulais dire. Parce que j'habite dans le centre-ville. Ouais. Fait que mon recyclage passe aux semaines, même l'hiver. Ouais. Et puis, je voulais dire que ça passait aux semaines, puis j'ai dit tous les jours. Un tout petit bac. Oh, c'est cool. Centre-ville, là, on en produit des déchets tellement incroyable. Qu'on doit passer à tous les jours. Oui, inacceptable. Donc, c'est Alexandra, on parle d'art et spectacle comme toujours. Oui, on fait ça ce matin, encore une fois. Ça donne de même, là. Ça donne de même. T'es la seule survivante de la journée dans les chroniqueurs. Apparemment, donc, c'est ce bravo. Qu'on m'a dit. Ben, merci. En plus, j'étais vraiment motivée. Je me suis couchée à 10 heures. J'ai fait une nuit de 9 heures. C'est fou, hein? Wow! Ah ouais, moi, je suis fière de moi. Et aujourd'hui, en fait, pour revenir au sujet principal, on va parler de spectacle, mais aussi d'improvisation, parce que même si c'est la semaine de relâche, et oui, on est en semaine de relâche, apparemment. Oui, c'est ce qu'on dit. Ben, il y a de l'impro pareil. Mm-hmm. Autant à la Maison de la Culture qu'à l'université. Mais pas au jour traditionnel du lundi à l'université, étrangement. Non, non, non. Alors, en fait, par quoi je commence? Si je commence par l'impro ou je commence par des spectacles? Oh, là, attends un peu. Là. Là, on pourrait commencer par ce qui. Est-ce que c'est des spectacles qui ont déjà eu lieu? Ouais. C'est des spectacles qui ont déjà eu lieu. Ah, moi, je commencerais par ce qui a déjà eu lieu. Ouais. T'es tellement logique. Mmh. En ordre de temps. Ouais. Temporel. Et temps de culture, ça le dit dans le titre. Ben oui, ça parle de culture. C'est fou de même. Ben en fait, premièrement, samedi passé, au Zénob. Samedi passé, au Zénob, il y avait le groupe Our Books and the Author, qu'on a déjà passé au palmarès. Oui. Qui sont venus faire leur tour, en fait, ici à Trois-Rivières. Ça faisait un bout qu'ils étaient venus. Un bout qu'ils avaient fait de spectacle tout court. Alors, ils se mêlaient parfois dans les chansons, mais tout ça a été fait dans une convivialité unique aux Zénobes. Alors, ça s'est bien passé. C'est vraiment un bon groupe, en fait, qui est très fluide et aussi polyvalent. Donc, c'est un groupe qui va faire plus de la pop électro-indie, je dirais, mais des fois, ça fait beaucoup plus électro que pop. Et autant les deux styles sont complètement différents, je peux pas vous en faire écouter des bouts parce que leur album est pas encore sorti. Et vous faire écouter des anciens albums, ben, ça représente pas du tout le spectacle parce qu'il y a vraiment des nouvelles chansons qui sont intéressantes, de la belle sonorité. Quelque chose qui... pas que j'ai des préjugés envers les Zénobes, mais des fois, en fait, il y a des groupes très, très émergents. Là, c'est plus qu'un groupe juste émergent. Là. C'était un bon groupe de musique, un très bon spectacle. Ça valait la peine. Alors, surveillez ça, hein, page Facebook, Our Books and the Author, un groupe de Montréal qui parle français. C'est rafraîchissant. Oui, avec un nom beaucoup trop difficile à dire pour les francophones. Our Books and the Author. On les appelle... Le O-B... Ouais, c'est ça. O-B-A-T-A. Hoba! Hoba! Obata? Obata. Obata. Obata. Obata. Mettons le thé, oui. Obata. C'est comme Barack Obata. Comme Barack Obata. Et voilà. Alors, gardez ça dans la mire. C'était vraiment un bon groupe. Et le CD s'en vient l'année prochaine. Ça vaut la peine. Mm-hmm. Et sinon, en fait, j'ai été voir la magnifique Chantal Archambault à la salle Louis-Philippe Poisson. La semaine dernière, donc jeudi passé. Un spectacle que j'allais un petit peu reculons parce que, bon, j'avais une grosse soirée, une grosse journée. Je me suis dit, oh là là, bon, peut-être que je resterai pas au complet, je vais voir. Hey, je suis restée au complet, moins tabarouette que c'était bon. Écoutez, Chantal Archambault, elle est maintenant sur son deuxième album. Elle fait aussi pour la deuxième fois Alliance avec Danny Placard. Oui. Donc, c'est vraiment de l'espèce de folk country québécois. Nouveau genre, hein, parce que là, on n'est pas dans le Patrick Normand. Non, là. On est dans le nouveau genre. Là. On n'est pas dans le Patrick Normand, OK? Ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui disent, moi, je m'en vais à un spectacle de country, puis ils m'ont fait, oh! Ah oui, non, ça. Oh. Mm-hmm. Puis effectivement, moi aussi, j'aurais la même. Parce que l'ancien country et le country moderne, c'est pas la même chose. Country moderne, on parle de Lisa Leblanc, on peut y aller même parfois avec les frères Goyette. C'est quelque chose de très moderne et qui se mélange souvent au folk, mais qui a des tendances soit dans la voix, comme Chantal Archambault, ou dans les instruments, comme, mettons, Lisa Leblanc. Là. Donc, du beau folk country moderne, elle chante tellement bien. Et ça, c'était assez étonnant à quel point le spectacle sonnait comme le CD. Mais là, toi, est-ce que t'es du genre à vouloir que le spectacle sonne comme le CD ou est-ce que tu préfères que ce soit différent parce que sinon, tant qu'à ça, t'écouteras le CD chez vous? Ça dépend. Ouais. Des artistes. Tu m'as posé une colle. Hein? Moi, je voulais savoir ce que t'en penses. Mais en fait, ça dépend parce que si c'est pas bon, là, tu sais, s'il est pas capable de... Tu sais, il y a des chanteurs qui ont... Leur voix est comme modifiée ou que c'est différent. Fait que rendu sur scène, tu fais « Ah, il me semble que c'était plus bon en post-prog, tu sais. » Mais, donc, Bernard Adamus, je trouve ça intéressant que ses spectacles sonnent pas du tout comme ses CD. Tu peux pas chanter un spectacle de Bernard Adamus parce que il fait pas les mêmes rythmes. Puis, tu sais ça, c'est intéressant parce que c'est justement quelque chose qui te sort un peu de ta zone de confort du CD. Mais Chantal Archambault, c'est que c'est tellement un bel univers, un univers qui est réconfortant que de l'avoir devant toi puis de dire... Cette artiste-là, elle chante pareil qu'en CD. C'est le fun de dire, tu sais, elle est bonne. Mm-hmm. Et, tu sais, il y a quand même des trucs qui changent. Elle a une très belle voix. Elle va souvent changer, justement, un peu comme Bernard Adamus peut le faire, là, comme les mesures de chansons. C'est tout le temps bon, c'est tout le temps beau. Elle joue de la guitare en même temps aussi. Ben c'est ça, donc Chantal, elle joue des instruments de musique et elle compose. Et qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle danse un peu? Elle danse pas, par exemple. Elle danse pas. Ça, c'est le négatif de mon point. J'allais l'avancer. Elle danse pas. OK. Parce que dans le fond, tu peux l'appeler chanteuse. Tu peux pas l'appeler danseuse. Non. Mais tu peux l'appeler joue des instruments musicaux. Oh, Seigneur. Chanteuse. Ouais. Aïe, aïe, attends, là. Ouais. T'as marouette. Ça va pas bien, Mathieu, pas en fait. Ça m'a fait rire. Mais bref, c'était un très bon spectacle. Dans la salle où fait le poisson, version cabaret, ça valait la peine. J'ai vraiment été agréablement surprise de voir ça. Elle était un petit peu gênée au début. Peut-être, tu sais, elle enchaînait ses tunes. Puis, mais à un moment donné, ça l'a comme cassé. C'est sûr que c'est intimidant, là, la salle où fait le poisson. Là. Il y avait quand même du monde, mais tu sais, c'est ça. C'était un petit peu intimidant au début. Alors, mais ça s'est rattrapé et c'était bon. Vraiment, là. Et d'ailleurs, on va aller écouter une de ses chansons qui s'appelle « Tombe et frêle », qui est un vidéoclip qu'elle a sorti récemment. Écoutez sa belle voix, les amis. On écoute ça, Chantal Archambault à Assemblagerie. Ton fusil braqué à mes flancs, je suis succombé à tes apports. J'ai craqué le vent, biscuit chinois. Je retiens mon souffle en quittant le bord de ta porte. Et j'agrippe à moi ce tronc plein d'envie de toi. Pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi. S'éterniser doucement. Ce soir tu sais mon si charmant qui me laisse ivre de toi. J'accueille déjà grippe à moi, ce trop plein d'envie de toi. Pour tenir tout ce temps avant que mon corps puisse s'étendre à toi, s'éterniser doucement. Je retiens mon souffle en quittant le bord de ta porte. Déjà grippe à moi, ce trop plein d'envie de toi. C'était Tombé frêle de Chantal Archambault, magnifique artiste québécoise. Elle vaut la peine. Elle était à la salle Louis-Philippe Poisson jeudi passé. Si vous n'avez pas son CD, courez le prendre. C'est très, très bon. Surtout là, par les temps automnales qui arrivent, là, on est comme encore une de bine. Ben, Chantal Archambault, c'est un bon choix parce que ça met un petit peu de soleil, mais des fois, les chansons plus tranquilles vont très bien avec les feuilles qui tombent. La température. Et si vous voulez la voir, en fait, elle sera à Montréal, au Lion d'Or, donc une des plus belles salles de Montréal, selon moi, le 14 novembre prochain à 20h. Sinon, ben, vous pouvez la pogner à la salle à Barry de Valleyfield, mais je pense que ça va mieux la pogner à Montréal. Et on peut se procurer son CD dans tous les magasins qui portent son nom ou pas. Ou pas. Peu importe. Ouais, que ce soit Archambault. Dans tous les bons magasins. Voilà. C'est ça, dans tous les bons magasins de disques. Oui. C'est Chantal les mauvais, vend les disques. Ça pourrait être aussi juste dans les magasins de disques qui restent encore de nos jours. Ouais, ça, ouais. C'est pas évident. Mais il n'y a plus de disquaire. Juste disquaire qui est purement. On vend des disques et c'est tout ce qu'on fait. Il y en a un à Drummond. OK. Oui, disque c'est vrai. Disque et ruban, ça s'appelle. Oui. OK, ils vendent des rubans. Donc, tu vois, ils font pas juste des disques. Non. Les rubans comme une cassette. Ouais, je pense que c'est plus ça. Disque. Ah, oui. Parce que, tu sais, quand j'étais petite, là, quand j'avais genre 8 ans, là, ça s'appelait. 18 ans. Ça s'appelait disque et ruban. Fait que dans le temps, il y avait des cassettes. OK. Mais c'est ça. Il y a des magasins qui vont pas changer de nom par rapport à la dernière mode du jour. T'sais. Mettons un disquaire qui s'appellerait justement, mettons, ruban et, tu sais, et ben, track, c'est pas mal des rubans aussi, mais tu sais, track et quelque chose d'autre, ça resterait comme ça. Ben oui. Pas besoin de changer pour t'appeler MP3. Disque MP3. Non, c'est ça. De l'air, tu sais. Disque et ruban. Puis tu sais, dans ma tête, ça sonne... Tu sais, quand je fais disque, ça sonne et ruban. C'est ça. Ça vient avec. Et j'ai 8 ans. Écoute, pour moi, ça sonne demain. C'est l'accent. Tu viens de quelle région, toi, avec tes 8 ans? Ben, théoriquement, je viens de l'Ontario, là. Ah, OK. Mais j'ai grandi à Drummond. Eh ben. Cool. C'est tout le temps la question, genre, « Ah, mais tu viens d'où? » Excuse-moi de ne pas être original. Okay, excuse-moi pour tout aujourd'hui. Faut que je m'excuse pour des affaires. C'est correct, mais tu pourras te faire pardonner en allant voir des spectacles d'improvisation cette semaine. Oui, ben, en fait, jeudi soir, c'est pas mal booké qu'on va à la lutte feutrée. Et oui, jeudi soir à 19h30, il y aura un spécial lutte feutrée. Donc, on sait que c'est la semaine de relâche, là, mais Caroline, vous n'êtes pas à l'école. Venez donc juste une soirée, là, renouer avec la chasse. Faire du fun. Et en fait, c'est intéressant comme concept. La lutte repartit ça il y a maintenant 2 ans. C'est le but de faire une huître, mais moins gag. Parce qu'on sait bien que la huître, ben en fait, les personnes qui vont là se prennent de la bière, vont entendre des gags. C'est correct, parce que c'est ça qui est drôle. Mais justement, on voulait aller chercher un aspect un peu plus théâtral. Peut-être un peu comme ce que la Lime fait, mais c'est évident que ça sera moins... C'est comme ce que d'autres ligues d'impro font dans d'autres régions depuis pas mal plus longtemps que la Lime, mettons. Parce que dans le fond, la huître a commencé ça à Trois-Rivières avant la Lime, avant que la Lime le fasse. Non, n'est-ce pas? Oui, théoriquement. La Lime, ça a commencé l'année passée, la nouvelle formule théâtre. Théoriquement, en fait, la Lime montréalaise fait ça depuis vachement longtemps. Alors, c'est un peu à la manière de la Lime montréalaise. Donc, beaucoup plus théâtrale, avec un maître de jeu, des longueurs d'improvisation courtes, moyennes, longues. Et les thèmes, c'est vraiment des suggestions. J'aimerais voir ça, monsieur. J'aimerais voir quelque chose qui parle de la solitude. Tu sais, quelque chose dans le genre. C'est très, très large. Oui, très large. Et surtout, il n'y a pas de bande. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas de pénalité, rien. Alors, et ça va se faire avec les membres de la Luître. Donc, c'est intéressant, en fait, de voir des joueurs qu'on voit tout le temps gaguer ou qui sont bons, justement, pour faire des punchs dans un contexte, justement, de plus théâtral. Et là, je parle à toi, Philippe Grenier. J'ai hâte de te voir. Nope. Es-tu capable de faire ça, Philippe Grenier? Mais je sais qu'il est capable. Okay. J'ai hâte de le voir. Mm-hmm. C'est ça. Donc, ça va être jeudi 19h30 à la Chasse-Galerie. Donc, un spécial l'huître. Et sinon, si vous voulez voir de l'autre impro théâtrale, cette fois-ci avec des gagnants, parce que ben, la lutte feutrée, il y en a pas. Mais à la lime, tu peux voter. Alors, à la lime. Et cette semaine, spécialement, on est à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Oh, ça, c'est impossible. Ouais. Alors, oui, on se donne un petit luxe. À la salle Anaïs Allard-Rousseau, ce sont les mauves contre les verts. Et là, pour ceux qui ont été au showcase de la semaine passée, les mauves et les verts, c'était les plus rythmé et puncher des quatre équipes. Et là, tu sais, parce qu'en fait, les verts affrontaient les blancs et les mauves affrontaient les oranges. Et c'est vraiment ces deux équipes-là qui se sont... c'est ça, qui étaient très rythmées, gagares, ainsi de suite. Là, ils vont s'affronter. Ça va être intéressant. Mm-hmm. Alors, c'est 5$ étudiants, 6,50 adultes. Même prix, en fait. Donc, vous êtes à la salle Saint-Laurent-Rousseau, mais au même prix qu'à la salle où Philippe Poisson. Wow, incroyable. Serait-il une aubaine assez pour venir ce soir? M'a t'a dit que oui. Alors, c'est ce soir dès 20h à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Donc, juste à côté de la salle où c'est le poisson. Vous allez pouvoir vous prendre une petite bière au début ou au milieu de l'entracte, hein, parce que c'est ça le problème avec la salle Anaïs Allard-Rousseau. On peut pas amener sa bière. Ah, OK. Mais c'est pas grave. Ça va être le fun. Pareil. Mm-hmm. Alors, voilà. C'était mes annonces pour le spectacle d'improvisation de cette semaine. Génial! Pour vrai, ça va être le fun, l'impro, cette année encore plus, parce que le 29 octobre, ça en vient, et je le dis souvent, mais oui. C'est Who's Line Is Anyway, puis je tripe bien raide. Hey, pour de vrai, c'est vraiment le fun comme show, là. C'est le spectacle à la saveur plus genre sketch... comment l'expliquer? Parce que c'est difficile d'expliquer Whose Line Is It Anyway, l'émission de sketch. Oui, ben en fait, c'est vraiment là, on te donne un canevas, puis tout ce que t'as à faire, c'est les gags. C'est ça. C'est aussi simple. T'as vraiment un thème beaucoup plus précis à faire. C'est genre, ben en ce moment, t'es dans une bus, puis t'es en train de chier dans tes culottes. C'est ça. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça. C'est ça, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui écoutent How I Met Your Mother, le frère de Barney Stinson, c'est Wayne frère, Brady. Oui. Qui est un acteur récurrent de Whose Line Is It Anyway. Exact. C'est donc, c'est vraiment un show. Et il va être là au Zénum. Non, c'est basé sur la même formule avec un animateur qui donne des thèmes très précis. Les gens, d'habitude, c'est quatre dans l'émission, mais j'imagine que ça pourrait changer pour la version Zénum. Sont-ils quatre, sont-ils cinq, je sais pas. Je me rappelle plus, ils sont comment. Ils sont peut-être un peu plus, peut-être six. Mais je me rappelle plus là, combien de personnes. Et c'était, en fait, on a des bons joueurs. Là. Pour ceux qui se sont... Et c'est des équipes qui vont se faire, en tout cas dans l'émission, c'est que c'est pas nécessairement tout le temps les 5 ou les 6 qui vont jouer. Ça va être bon, là, ça va être toi et toi, vous allez jouer dans ce style-là de jeu. Oui. Bon, bref, ça va être le 29 octobre, on va en reparler d'ici là, j'imagine. Oh que oui! Mais je trippe, fait que j'en parle encore. Mm-hmm. Voilà. Merci Alexandra. Oui. Ben, ça fait plaisir! On te retrouve mardi prochain à 9h. Wep. Wep. Ouais. Merci d'être fier. Nous, ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. Pas mal, ouais, pas mal. En fait, je regarde ça, puis c'est pas mal là. On va se quitter avec une chanson que tu m'as dit tantôt. On jouera pas les vieilles chansons de Hard Book and the Otters. Hey, tu me diras pas quoi faire, man. Ben, c'est correct, ils sont bons. Mais je voulais juste pas les mettre dans ma chronique parce que ça reflétait pas ma chronique. Ben, tu vois, je le mets à l'extérieur de ta chronique, puis moi, ça va refléter l'extérieur de la chronique, c'est-à-dire pas grand-chose le matin. Donc, c'est tout pour notre émission. À peu de contenu. Oui, mais très bien. Ça va musical. Oui, exactement. Merci, Jean-Philippe. Merci, Mathieu. Merci, merci Alex, encore une fois, j'ai déjà dit. Oui. Ouais. Retrouvez-nous demain pour une émission tout aussi, on sait pas trop où on s'en va, avec Stéphanie Paradis. Demain pour sa chronique Les Petits Bonheurs. Les Petits Bonheurs. Mm-hmm. C'est pas mal tout ce qu'on a pour demain, donc on va travailler fort sur notre contenu pour essayer de mettre ça plus la saveur du moment. Ouais. Oui. Restez là pour, du chef. C'est là du chef. Restez là pour le dîner de con avec Danny Janvier. Après ça, avant ça, par contre, non, c'est les Malhonnêtes à 10h. Je réalise ça comme ça. S'ils sont là, en fait, je sais pas. Sont-ils là? Peut-être. Rock Classique va être là à 13h, ça je le sais. Ensuite, est-ce qu'on annonce les Pamarassis Fous, édition top 10? Oui. À 17h. Est-ce qu'il y a une vie en monde après? Oui. Génial. Réanimation, c'était immanquable, va être là à 19h. Cif.ca pour la programmation complète. Oui, c'est Facebook aussi. Oui, Twitter. Oui. Assemblage Requis, Assemblage Requis pour la balado-diffusion et les notes de l'émission. Oui, allez-y, on se quitte avec Our Book and the Authors et la pièce Kids. À demain tout le monde. Bye! Bye. It's cold outside, it's cold outside. Put your scarves in your mittens, cause it's cold outside. It's cold outside, it's cold outside. Put your scarves in your mittens.